daughter and the father is the moon. CKRL. Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, un rendez-vous hebdomadaire avec la création sonore et les musiques qui sortent des sentiers battus et les artistes, surtout, qui inventent avec la matière sonore. J'ai ce soir le plaisir d'accueillir l'artiste sonore et multidisciplinaire Martin Messier. Je dis à dessein et de surcroît qu'il est un artiste multidisciplinaire parce qu'il fait partie de cette jeune génération d'artistes qui combine avec beaucoup de doigté les univers du son, de la lumière et du mouvement, tout ça par le biais des outils que nous propose la culture numérique notamment. Ça fait maintenant une quinzaine d'années que Martin Messier crée des œuvres sonores qui agissent comme une sorte de catalyseur au sein de dispositifs novateurs, de performances chorégraphiques et d'installations multimédiatiques. On peut aussi dire qu'il amalgame depuis le début de sa carrière la matière sonore au corps humain et aux objets en mouvement. Ses collaborations avec des danseurs et chorégraphes constituent sans doute les meilleurs exemples de sa vision artistique. Formé en composition à l'Université de Montréal, il s'est d'abord intéressé au potentiel de dispositifs sonores, un peu à l'exemple du bruitiste Louis-Guy Rousselot, pour ensuite mettre en scène les sonorités tirées d'objets usuels faisant partie de nos vies quotidiennes. Son orchestre de machines à coudre, inventé il y a une dizaine d'années, est sans doute à cet égard le projet le plus emblématique, révélateur des nombreux projets qu'il va développer par la suite. Je pense au projet Projector, Inner Vision ou encore Ashes, un projet qu'il réalise avec Élie Blanchard. Martin Messier vit et travaille à Montréal. Il a présenté ses œuvres au Québec et dans une cinquantaine de pays, ce qui est plutôt remarquable. Il a fondé et dirige 14 lieux, une compagnie de production d'œuvres sonores pour la scène. Martin Messier m'a accordé une rencontre il y a quelques semaines maintenant, en téléprésence, pour discuter tranquillement de son parcours artistique et de ses projets à venir. Sur ce, parole à Martin Messier suite à l'écoute d'une pièce sonore, un extrait s'est tiré du projet Chambre d'écho. Martin, bienvenue à l'émission. Plaisir. Merci. De te rencontrer. Martin Messier, ça fait tout de même une quinzaine d'années que tu explores, que tu travailles l'univers qu'on appelle des arts sonores. Mais tout ça démarre avec un intérêt pour la musique à la base. Oui, j'ai en premier ce qui m'a amené dans cette direction-là, où je suis maintenant, c'est la batterie. J'étais un peu perdu à l'adolescence, j'ai envie de dire, complètement perdu, complètement dans le néant. Puis ce qui m'a accroché, je pense, puis ce qui m'a formé dans la vie, c'est d'apprendre la batterie, cette espèce de rigueur-là, de pratiquer à tous les jours, puis de se dire un jour, si je continue à pratiquer, à répéter, je vais être meilleur. Puis ça m'a donné énormément confiance en moi de me lancer dans ce processus-là, puis de réaliser que une semaine plus tard, j'étais meilleur qu'une semaine avant. Comme ça, peu à peu, j'avançais. Cette méthode-là d'apprentissage, mais je l'avais pas à l'école avant comme académicien. J'étais pas très doué à l'école. J'avais pas compris nécessairement cette notion-là de qu'on pouvait avancer petit peu par petit peu, qu'on pouvait voir des différences. Puis en musique, c'est très clair parce que tu apprends un nouveau beat, puis c'est ça, tu te découvres à travers ça. Tu découvres que tu es capable de faire de nouvelles choses à chaque fois, d'aller tout le temps un peu plus loin. Puis ça, bien, je l'ai appliqué dans le reste, dans tous les aspects de ma vie. J'applique ça maintenant. Je me dis, ah oui, c'est possible d'aller vers ça. C'est possible d'y arriver. Martin, on peut lire dans ta bio là, que tu as fait des études de composition à l'Université de Montréal. Et je suis toujours un peu curieux de savoir qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de cet intérêt pour la pratique sonore en tant que telle. Il y a comment je voyais ça, puis il y a comment je vois ça maintenant, mais la façon dont je le voyais à l'époque, moi, j'étais une phase de ma vie où j'étais prête à tout explorer, tout ce qui était au niveau sonore. Moi, je jouais de la batterie, puis je fais tout le temps le lien. Il y a énormément de batteurs qui vont étudier en composition électroacoustique, puis je pense que c'est pas un addon. Ça arrive parce que les gens qui jouent de la batterie, je crois qu'ils s'intéressent au thème. Tu sais, tu frappes sur des cymbales, tu frappes sur des caisses claires, des bass drums. Puis, veux, veux pas, ça t'amène à réfléchir un peu plus au son. Ça t'intéresse d'aller chercher un peu des sons qui sont différents, en dehors des sons qui ont un timbre, qui ont une tonalité. Ben, tu t'intéresses finalement au bruit, à tout ce que tu peux taper, à tout ce que tu peux entendre. Cette curiosité-là pour le son, ben, je pense que c'est à partir de là que je l'ai cultivée. Puis j'ai envie de dire, c'est cet amour du son-là, c'est vraiment de là qu'elle vient, parce que c'est quelque chose dans ma vie que je consomme pas comme je voudrais consommer, mais le son, je trouve que ça se consomme, puis c'est presque quelque chose que j'adore le plus au monde, en fait. Même si j'ai pas l'impression d'en faire de faire que ça, je fais pas juste des pièces sonores, même que j'en fais pas de pièces purement sonores, mais c'est vraiment quelque chose qui me touche. Moi, être dans ma librairie de sons, dans mon ordinateur, puis écouter des sons, ça m'amène des émotions, ça m'amène plein de choses, ça m'amène, j'ai l'impression de goûter des trucs, puis c'est quelque chose qui me fascine, puis qui me suit de plus en plus. Ouais, j'ai envie de dire. Quelque chose qui me touche beaucoup, qui est à l'intérieur de moi, là, qui est très présent. Martin, quand on parcourt l'ensemble de tes productions, bon, il y a évidemment cette relation de l'homme, du corps avec la machine. Et d'où te vient cet intérêt pour l'ingénierie? Je dirais ça comme ça, à la fois l'ingénierie acoustique, l'ingénierie proprement dite avec des univers de machines. D'où ça te vient? Est-ce qu'il y a une référence à des environnements familiaux ou si c'est quelque chose qui apparaît de manière spontanée? Il y a plusieurs réponses à ça. Une des réponses, c'est que à l'époque, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, à la façon dont je pourrais mettre la musique électronique, musique électroacoustique en scène, en sonore, je me demandais comment ça pouvait être fait. Qu'est-ce que je voudrais présenter sur scène? Qu'est-ce que je voudrais mettre en scène? Puis qu'est-ce que je voudrais voir d'une performance sonore? Puis veux pas, la machine est apparue comme un élément parfait parce que d'une part, elle peut créer du son. Deuxièmement, elles peuvent être manipulées. Les machines à coudre, c'est un super exemple pour ça parce que elles peuvent être contrôlées par ordinateur, elles peuvent être manipulées pour créer un geste sur scène, un peu comme un instrumentiste. Après ça, elles sont belles visuellement. Après ça, on peut se dire qu'elles signifient quelque chose, elles symbolisent quelque chose. Donc, je cherchais quand même un symbole fort. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu l'amalgame de toutes ces réponses-là. Après ça, je pense que j'allais beaucoup dans l'idée de travailler avec des objets du quotidien parce que je voulais les rendre magiques, ces objets-là. Puis c'est un peu ça qui se passe quand on travaille dans l'art sonore et qu'on enregistre un peu tout et n'importe quoi. On est un peu surpris des sons qu'on peut puiser de ces sources-là. Puis, par exemple, la machine à coudre, c'est un bon exemple d'une surprise, de ce qui peut se passer lorsqu'on agit avec ces machines-là. Martin, on va faire entendre un extrait de cette installation Sewing Machine Orchestra ou l'orchestre des machines à coudre. Thank you. Martin, dans l'univers, dans ton univers, au départ, il y a ce rapport avec les machines, mais il y a une collaboration avec Nicolas Bernier. C'est un projet qui s'intitule La Chambre des machines. Et j'aimerais qu'on aborde la question du processus. Comment ça se développe un projet comme celui-là, puis un peu comme tous les autres? Qu'est-ce qui émerge au départ? Mais la première chose qui se passe, c'est la rencontre avec l'autre. Je veux pas, quand je collabore comme ça avec une personne, c'est presque la personne avant le projet, c'est presque l'intérêt envers cette personne-là avant le projet ou l'intérêt vers ses projets. Donc, c'est vraiment un réel partage entre moi et Nicolas à cette époque-là qui était d'intérêt. C'est vraiment vers ça qui m'intéressait, c'est de collaborer avec Nicolas. Donc après ça, qu'est-ce qu'on fait comme projet, quelle idée, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ensemble, qu'est-ce qu'on verrait sur scène. Mais il y avait plein d'idées. Avec cette performance-là, on voulait faire une performance de musique électronique où ça allait être physique, où on allait être sur scène, puis on allait pouvoir headbanger en bon français. Parce que les deux, on a joué de la batterie, justement. Les deux, on a cette énergie-là qu'on aime déployer sur scène. Puis c'est vraiment quelque chose qu'on voulait mettre de l'avant. On voulait pouvoir se permettre d'être physique, de sortir de nos gonds sur scène, que ça soit possible. Mais tout ça en contraste avec l'espèce de pureté des sons électroniques, l'espèce de froideur des sons électroniques, d'avoir ce contraste-là. Cette sueur-là sur scène, de l'homme sur scène, en contraste avec la pureté du son. Martin, tu évoques cette idée de la performance et ça m'amène évidemment à ce travail que tu vas faire autour de la danse avec des chorégraphes, avec les danseurs. Et là aussi, il y a un prolongement de ton travail sur scène, mais cette fois-là dans un rapport de corps à corps. Et comment il apparaît? Est-ce qu'il est, lui, le fruit du hasard ou encore c'est quelque chose qui était un peu en parallèle dans tes réflexions de créateur? C'est assurément une autre branche de mon travail, une autre corde à mon arc, là. C'est-à-dire que je le sépare psychologiquement. Moi, j'ai plusieurs façons de travailler, formes dans lesquelles je travaille, c'est-à-dire la performance, l'installation puis la danse. Puis ce qui m'intéresse avec la danse, puis de où ça vient du fait que j'étais un concepteur qui, pendant les processus de création, avait des idées, puis que je pouvais souvent pas aller assez loin avec ces idées-là dans les processus de création qui appartenaient à des chorégraphes. Si je travaillais avec un chorégraphe, par exemple, j'ai travaillé sur une pièce où on travaillait l'amplification de surface, puis rapidement, moi, je me dis, ah non, mais on devrait faire 30 minutes avec cette section-là, on ne devrait pas faire un 3 minutes qui conclut telle section. Donc, j'ai voulu, veux pas, assouvir mes désirs de concepteur frustré, littéralement. Puis c'est la raison pourquoi j'ai commencé à travailler en danse. Puis en travaillant en danse, je me suis rendu compte, OK, que j'avais des idées, que j'allais collaborer avec des chorégraphes au départ pour essayer de voir comment je pouvais amener mes idées puis les mettre en scène. Donc, très ouvertement, voilà mon idée, je veux faire une pièce avec une batterie, toute une pièce au complet avec une batterie. On l'a fait avec Caroline Rimbaud-Cage, par exemple. Ou avec Anterio, c'était plus un travail sur l'amplification sonore, mais je voulais aussi qu'on amène toute l'idée du son dans les films, dans les films d'horreur. C'est quelque chose qui m'a tout le temps intéressé. La musique électroacoustique, la musique électronique sont super présentes là-dedans. Puis je voulais amener ça sur scène, c'est ce qu'on a fait. Souvent, ces désirs-là venaient de moi, puis c'est moi qui allais les chercher, elle, en fait. Donc, à partir de là, moi, j'ai commencé à travailler avec elle, puis pour après faire des processus de création où seul moi était chorégraphe. C'était juste moi qui étais chorégraphe, puis c'était juste moi qui créais ces pièces-là. Martin, dans cette veine-là, on va écouter un extrait de ce projet chorégraphique qui s'intitule Soak, que tu as réalisé avec Caroline Lorrain-Bocage. C'est un très beau morceau et tu me diras au terme de l'écoute si je me trompe, mais il me semble que c'est un des moments où la lumière apparaît dans ton travail de création ou de relation homme-machine. Alors voilà ce qui complète la première demi de l'émission. Vous êtes sur les ondes de CKRL. Je vous reviens après un bref battement promotionnel. Alors restez des nôtres. Votre radio vous suit partout. Téléchargez l'application de l'Association des radios communautaires du Québec et écoutez les stations de partout en province. Les radios communautaires, écoutez-les, découvrez-les. Disponible pour Android et iPhone. CKRL. Vous écoutez l'accroche-oreille. Eh bien, rebonsoir tout le monde, c'est l'accroche-oreille, Gaëtan Gosselin avec vous jusqu'à 22h sur les ondes sonores de CKRL le 89.1. Je vous rappelle que vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site l'accroche-oreille ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant, ou presque en tout cas. Vous trouverez ça facilement sur la toile comme à l'habitude. Cela dit, j'ai rendez-vous ce soir avec le créateur et expérimentateur sonore artiste multidisciplinaire Martin Messier, un créateur qu'on a pu voir et entendre ces dernières années à Québec, notamment dans le cadre du Mois Multi. Particulièrement passionné par l'union de la lumière, du mouvement et du son, Messier crée des œuvres sonores qui s'incarnent dans des dispositifs qui sont complexes, mais toujours pensés à partir d'objets qui nous sont familiers. Le rétroprojecteur, par exemple, qu'on a tous expérimenté à l'école, la machine à coudre, le tube fluorescent, pour prendre quelques exemples. Son travail s'intéresse aussi, et surtout, je dirais, à la transformation de ces objets, de telle sorte qu'ils émergent comme une sorte d'épiphanie. Messier a aussi beaucoup travaillé en collaboration avec le monde de la danse contemporaine, une alliance naturelle si on tient compte de son parti pris depuis le tout début de sa carrière pour la mise en scène de corps animés transformés par le son. Au fondement de mes œuvres chorégraphiques, dit-il, il y a le désir de renverser les rapports hiérarchiques existants entre la musique, la lumière, la scénographie et la danse afin que le son devienne le moteur des gestes. Comme le souligne un commentateur de la CBC, j'ouvre les guillemets, Messier peut transformer des objets ordinaires et c'est la chose la plus proche de la vraie magie que vous ne verrez jamais. Pas étonnant que ses œuvres aient remporté plusieurs prix, nominations et mentions, et j'en cite quelques-uns. Dans le cadre du festival Ars Electronica, les prix Opus, le festival Underground Film Festival de Lausanne, le prix Victor Martin Lynch Stanton du Conseil des arts du Canada, et j'en passe de nombreux. Voilà ce qui résume de manière condensée un parcours extrêmement singulier et particulièrement prometteur en ce qui a trait aux nouvelles formes de création artistique. Cela dit, on poursuit cet échange que Martin Messier m'accordait il y a quelques semaines. Parole à Martin Messier suite à l'écoute d'un extrait d'un projet intitulé Impulse. Thank you. Alors, je te la pose, cette question, parce que dans Chambre des machines, on a les machineries, le rapport avec le corps performatif. Et dans le volet Soak, notamment, je vois apparaître tout de même un univers de lumière. Et là, est-ce que je me trompe en disant qu'on voit apparaître le metteur en lumière, le metteur en scène, le metteur en son dans ta démarche? C'est vrai que c'est la pièce où j'ai le plus travaillé. J'ai focalisé toute mon attention là-dessus, sur le travail du son et de la lumière mise en relation avec la danse. Puis c'était ça l'objectif de ce projet-là. J'avais déjà travaillé avec la lumière dans Sewing Machine Orchestra, mais je l'avais abordé rapidement, plus vers la fin de la création. Là, je voulais faire que ça, travailler la lumière, le son en synchro avec la danse en synchro, puis voir comment je pouvais amalgamer tout ça. Puis oui, pour moi, c'est vrai que c'est là que c'est apparu. J'avais quoi, une soixantaine de lampes que je pouvais contrôler à partir de mon ordinateur. Puis c'est vrai que c'est le premier projet où j'avais vraiment le sentiment que je devenais une espèce de hub qui pouvait maîtriser tous ces éléments-là un à la fois, c'est-à-dire essayer de maîtriser le son avec la lumière, avec la chorégraphie, parce que finalement, moi, mon rôle devenait de... je devenais le metteur en scène, mais je devenais aussi l'endroit où tout ça devenait... où tout ça était contrôlé de façon précise et hyper minutieuse. Il y a récemment là, un projet qui s'intitule Inner Vision, que tu as réalisé à Montréal. Ça, c'est un grand déploiement, une œuvre urbaine, je dirais, à certains égards... une œuvre assez impressionnante où on retrouve tous les éléments qui composent ton univers de lumière, de mouvement, d'objets. Dans quel contexte il se développe ce projet-là? Bien, il se développe littéralement à partir d'un rêve, c'est tout. Tu sais, moi, j'en parlais dernièrement avec quelqu'un, puis je crois vraiment que ça vient de cette idée-là de musicien de travailler avec l'orchestre. Puis je crois que à travailler avec un grand nombre, je racontais à cette personne-là que finalement, je crois que ça répète un orchestre, mais c'est pour ça que je l'ai fait avec des danseurs. J'ai un peu fait avec énormément de danseurs, parce que ce qui m'intéressait au final, c'est le grand groupe. C'est pas tant l'orchestre, c'est le travail de la masse. C'est le travail de masse, puis c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, puis je crois que c'est complètement une autre forme. Puis ça a été rendu possible, en fait, puisque dans Soak, dans mon projet Soak en danse, j'ai commencé à travailler avec un système d'oreillettes où moi, je donne des consignes aux danseurs. C'est un peu ma façon d'être capable de communiquer avec des danseurs, parce que j'ai pas de formation en danse. Comment moi, Martin Messier, je peux devenir chorégraphe? Mais la façon que j'ai réussi à le faire pour l'instant, c'est de communiquer avec un système de consignes. Puis dans ce spectacle-là, Inner Vision, je contrôle les 60 danseurs en leur parlant dans une oreillette. Donc, c'est un projet qui m'est apparu possible quand on faisait de la recherche avec des oreillettes. Puis je me disais, oh mon Dieu, je pense que ce système-là, s'il peut permettre une chose, c'est de tout synchroniser facilement, rapidement. C'est-à-dire de synchroniser ces 60 danseurs-là d'un coup, en quelques consignes, ça devient possible à cause de ce système-là. Puis c'est de là que m'est venue cette idée-là de travailler avec un grand groupe de danseurs. On va écouter un extrait du projet et visuellement, on le retrouve là sur les plateformes, sur le web. C'est un projet magnifique. On écoute ça. Thank you. Martin, c'est une question que je pose à tous mes invités. Dans le quotidien de la création, quelles sont tes sources d'inspiration? Qu'est-ce qui t'amène ailleurs, là? Je vois que le rêve, il joue un rôle important. Outre le rêve, qu'est-ce que tu additionnes dans ton univers? Ouais, c'est une bonne question. Puis j'ai juste envie de répondre. Le rêve éveillé, encore une fois. Mais j'ai parlé du rêve, mais c'est le rêve éveillé, en fait. Ce que j'adore, c'est d'avoir cette étincelle-là d'une image ou de quelque chose d'impossible, qui m'apparaît impossible. Bon, probablement que pour quelqu'un d'autre, ça devient complètement banal, mais pour moi, cette addition-là d'images ou de sources d'inspiration-là, j'ai l'impression de partir de nulle part, en fait. J'ai l'impression d'être accroché à rien. J'aime pas trop, finalement, être sur Internet, regarder des projets, puis me dire « Ah oui, je pourrais travailler comme ça ». Je suis incapable, en fait, de partir de sources d'influence comme ça, très direct, parce que j'ai l'impression que je vais copier l'autre ou que je vais être en train d'essayer de le copier. Et veux pas, ça doit inconsciemment m'influencer quand j'en regarde, ça, c'est sûr. Mais j'aime mieux, moi, marcher dans la rue, me balader à quelque part, au Mont-Royal, puis être dans une zone de confort psychologiquement, puis avoir cette idée-là qui apparaît subitement. On dirait que je suis inspiré à ce moment-là, puis à ce moment-là, j'ai comme un jet de volonté qui apparaît, puis qui me dit « OK, il faut que tu fasses ça, il faut que tu essayes ça ». Finalement, c'est juste une faut se convaincre soi-même que l'idée qu'on vient d'avoir, c'est la meilleure. Puis c'est ça qu'il faut faire. Je crois que c'est vraiment juste ça, en fait. C'est de se croire soi-même, t'sais. Alors, Martin, pour conclure notre entretien, qu'est-ce qui se profile dans les prochains mois, dans tes cartons? Il y a des trucs concrets, il y a du travail d'exploration? Présentement, je travaille sur 3 projets. Un travail d'installation, un travail de performance solo, puis un projet de, disons, plutôt danser. Mais disons, après Inner Vision, j'ai quand même pas mal réfléchi, puis je me suis retrouvé un peu dans la crise de la quarantaine, puis j'ai un peu envie de sortir de mes gonds, que ça déborde un peu, de redevenir adolescent, de redevenir un peu, faire des trucs un peu plus bruts par rapport à ce que j'ai fait, d'opposer quelque chose d'un peu plus sale, d'un peu moins propre, à quelque chose de propre, de contraster ces deux éléments-là comme ça, quelque chose de technologique qui est super précis, ce que j'ai développé dans les 10 dernières années, avec des éléments, c'est ça, qui viennent salir cette précision-là, puis cette pureté-là, en fait. Donc, je suis un peu là-dedans présentement. Martin, si on avait, 10, 15 ans de carrière, tout de même, c'est un bon morceau. Qu'est-ce qui est resté constant durant toutes ces années, et qu'est-ce qui a véritablement changé dans ton travail? Mais la constance, je crois que c'est le travail du rythme. Je l'ai dit au début, quand on se parlait, je suis batteur. Je pense que ça, je vois juste ça partout. Je suis batteur, je ne suis plus batteur. Je me vois plus du tout comme un batteur. Mais je me rends compte que c'est cet appel-là du rythme, partout où je travaille, c'est là. Soit que ce soit une vidéo, je vais m'intéresser au rythme du montage, que ce soit quelqu'un qui est sur scène, le rythme, cette précision-là m'intéresse. Ça va tout le temps être là, puis ça va tout le temps rester. Puis j'ai comme un peu envie de que ça soit là partout, que ça continue d'être là partout, puis d'explorer différents médiums ou façon de faire, ne serait-ce que le travail de la voix, quelque chose que j'ai jamais fait. Ça, c'est quelque chose que je suis en train d'essayer présentement. Travailler avec du texte, essayer de donner un peu plus de sens, de volume à ce que je dis. Souvent dans mes pièces, j'ai souvent tendance à un peu garder pour moi-même ce que je veux dire, pas trop le rendre explicite, même dans mes textes de description, je le dis pas trop parce que je me dis, les gens vont comprendre. Mais maintenant, ça me tente peut-être un peu plus d'être plus clair par rapport à ça, puis d'être plus direct, en fait, sans nécessairement le surligner. Ouais, c'est un peu ça qui se passe présentement. Hey Martin, grand merci de m'avoir accordé ce matin cette belle rencontre. Merci à toi, Gaëtan. Grand plaisir. Hey, salut. Ainsi s'achève l'accroche-oreille pour ce soir sur les sonorités de l'artiste sonore et performeur Martin Messier. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur le site de Martin Messier. Vous y retrouverez une documentation très pertinente, très inspirante sur ses projets. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Merci à Martin de nous avoir permis l'écoute d'extraits de ses projets et de m'avoir accordé cet entretien que vous retrouverez sur le site L'Accroche-Oreille, facilement repérable là aussi sur la toile. Quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h sur les ondes de CKRL, le 89.1, pour une autre aventure sonore. Ici Gaëtan Gosselin qui vous salue. Cette émission est disponible en balado-diffusion.